Envoi d'amour dans le jardin des Tuileries. Accours, petit enfant dont j'adore la mère, qui pour te voir jouer sur ce banc vient s'asseoir, pâle, avec les cheveux qu'on rêve à sa chimère et qu'on dirait blondi aux étoiles du soir. Viens là, petit enfant, donne ta lèvre rose, donne tes grands yeux bleus et tes cheveux frisés. Je leur ferai porter un fardeau de baisers, afin que, retournés près d'elle à la nuit close, quand tes bras sur son cou viendront se refermer, elle trouve à ta lèvre et sur ta chevelure quelque chose d'ardent ainsi qu'une brûlure. Quelque chose de doux comme un besoin d'aimer. Alors elle dira, frissonnante et troublée par cet appel d'amour dont son cœur se défend, prenant tous mes baisers sur ta tête bouclée. Qu'est-ce que je sens donc au front de mon enfant ?